laisser comment seul je me sentais. Et le vide que j'essayais si dur de cacher, bien que je riais, pensais que ma vie était bien sans toi. Je cachais le secret de toutes mes larmes. Et un jour, quelqu'un m'a parlé de ta grâce et de l'amour que tu as montré au calvaire. Là, tu es mort et tu as payé pour ma rédemption. Quand tu as brisé les ténèbres et m'a libéré, merveillé que tu m'aimes, et merveillé, merveillé par ton amour, par ton précieux sang. Oh, je suis pardonné, mon roi, mes péchés sont tous lavés. Tous lavés, mes péchés sont tous lavés. Alléluia. Oui, c'est vrai qu'il y a longtemps j'ai échoué. Seigneur, plusieurs fois je me suis éloigné. Mais j'ai appris que ton amour est plus fort que mes faiblesses. Que tu m'entends toutefois que je prie. Personne ne m'a jamais regardé comme toi. Mes amis ne pouvaient pas être si proches. Je n'ai pas peur de voir les problèmes de demain, sachant que tu es tout ce dont j'aurai besoin. Et mes péchés Alléluia. Fermez les yeux et priez ce matin que le Seigneur va te parler. Tu ne vas pas partir comme tu es venu. Tu vas partir changer, béni ce matin. Est-ce que tu peux prier, demander le Seigneur? Seigneur, nous te remercions. Seigneur, cette parole que tu as préparée pour nous, qui est destinée pour changer et pour amener une différence dans ma vie, Seigneur, que cette parole me soit donnée ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que tu nous donnes, tu nous disposes le cœur, Saint-Esprit, pour recevoir cette parole. Seigneur, je prie contre tout mauvais esprit qui nous empêchera, Seigneur, de recevoir cette parole. Je prie que ton esprit vienne nous parler, ton esprit vienne nous aider. Laisse ton esprit vienne nous enseigner ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour moi-même, Seigneur, que ton esprit m'aide ce matin, parce que je suis un être humain. Seigneur, viens, Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je pense que vous êtes en train de prier. Alléluia. Jeûner et prier. C'est vrai? Alléluia. Un temps, c'est un temps où tu ne dois pas être en congé. Alléluia. C'est un temps où tu dois prier, prier pour toi-même. Alléluia. Personne ne va prier pour toi. C'est toi-même. Alléluia. Et si tu comptes sur quelqu'un de prier pour toi, tu te trompes. Alléluia. La personne est en train de dormir. Toi-même, tu dois te lever pour prier. L'une des leçons de la prière, la première leçon, c'est d'apprendre à prier toi-même. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Et donc, ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Je peux voir, je suis en train de voir si on peut commencer un autre sujet ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de parler pourquoi servir Dieu est très grand, bien très bon. Alléluia. Et nous avons appris beaucoup de choses et beaucoup de raisons. Alléluia. Alléluia. Yeah. Et je veux dire que si tu connais quelqu'un qui n'est pas venu à l'église après le culte, va aller dire à la personne qu'on a commencé le culte. Alléluia. On n'est pas en congé. Décembre est fini. Les congés sont finis. Et nous avons commencé les activités à l'église. Alléluia. Et donc, la semaine prochaine, qu'ils viennent. Est-ce que c'est bon? Ah, parce qu'il y a beaucoup, ils sont pas moi, il y a beaucoup de chaises vides que je vois. Alléluia. Et donc, c'est ça. Et donc, on doit aussi inviter des nouvelles personnes. Alléluia. Parce que nous avons reçu une bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de nous bénir. Et nous devons aussi partager ces bénédictions avec les autres. Alléluia. Et donc, on ne doit pas les laisser, on doit les inviter. Et surtout ceux qui ne vont pas à l'église. Alléluia. Et chaque fois, je dis que n'amène pas un bam d'une autre église. Alléluia. Parce que moi aussi, je ne serais pas content que quelqu'un t'invite et puis tu vas dans une autre église. Est-ce que c'est compris? Yeah. Si quelqu'un t'invite, je vais te dire que non, il faut pas aller. Il faut lui dire que bon, j'ai culte de 7h à 9h. Lorsque je finis, je vais venir. Alléluia. Yeah, tu peux aller, mais le temps de notre culte, tu ne peux pas aller. Est-ce que c'est bon? Ah, donc il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tu peux aller, mais tu ne peux pas aller le temps où nous avons culte ici. Alléluia. Et donc, de la même manière, si il y a un membre de l'église qui a culte en ce moment, tu peux pas inviter cette personne ici. Parce que la personne aussi doit aller dans son église. Est-ce que c'est bon? Yeah. Et peut-être si la personne a culte à 10h, 11h, midi, ok, peut venir très tôt comme nous sommes ici et puis après aller dans son église. Alléluia. Mais surtout ceux qui ne vont pas du tout à l'église. Du tout. Alléluia. Ceux qui ne sont même pas chrétiens, pour les inviter. Alléluia. Pour les amener, pour que le Seigneur les bénisse aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Donc la semaine prochaine, je suis sûr que les 16 chaises ne seront pas vides. C'est bon? Alléluia. Donc ce matin, pourquoi? Pourquoi c'est une grande chose, bien c'est une bonne chose de servir le Seigneur. Alléluia. Je vous rappelle que cette année, c'est une année de service au Seigneur. C'est au Seigneur, bien pour le Seigneur. Pour le Seigneur, au Seigneur, service. Alléluia. De servir Dieu. Cette année, c'est une année de servir Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes tous des serviteurs. Et nous tous, nous allons servir Dieu. Alléluia. C'est bon? Yeah. Et donc, on a eu beaucoup de raisons. Alléluia. Et la semaine passée, on a parlé de le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va faire quoi? Va te délivrer des problèmes comme Daniel. Il a fait pour Daniel. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Daniel 6? C'est Daniel 6, verset 19. Alléluia. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et il refusa tout divertissement. Mais il ne parvient pas à s'endormir. Dès le point de jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Comme il s'en approchait, ok, il appela Daniel d'une voix angoissée. Avec tant de persévérance a-t-il pu a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit à l'empereur, ô majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Ça, c'est une autre version. La version, lui second, verset 20. En s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu. Yeah, c'est ce que je veux souligner. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Lorsque tu sers le Seigneur va te délivrer des lions. Alléluia. Des lions. Des accidents. Des démons. De beaucoup de choses. Alléluia. Si tu ne sais pas, je veux te rappeler que le diable veut te détruire. Yeah. Le but du diable, c'est de te détruire. C'est de te tuer. Si tu ne sais pas. Alléluia. Mais ben, c'est parce que le Seigneur nous délivre. C'est pourquoi nous sommes ici. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier que il y a un ennemi qui est là. Chaque jour qui est là, qui est en train de planifier ta mort. Qui est en train de planifier ta destruction. Qui est en train de planifier ton échec. Il veut que tu échoues. Tu ne réussis jamais. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous délivre. Et lorsque tu commences à servir le Seigneur prend charge. Hein, prend en charge ta vie pour te délivrer du mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc aujourd'hui, je veux essayer de terminer. Alléluia. Apocalypse chapitre 7. Alléluia. Apocalypse chapitre 7. Yeah. Nous qui n'avons pas de vision, on ne reçoit pas de vision de Jésus, vision de Dieu, vision du ciel. Alléluia. Nous devons dépendre de la vision que les gens ont eue. Alléluia. Pour apprendre beaucoup de choses et pour nous guider. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas reçu une vision de Dieu, il faut dépendre de la vision qui est dans la parole de Dieu, qui est Apocalypse. Et tu vas comprendre beaucoup de choses spirituelles. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Yeah. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 1. Ok. Après cela, je vis quatre anges. Il se tenait debout aux quatre coins de la terre et il retenait les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant et il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager toute la terre, la mer et la mer. Et il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Waouh! Est-ce que vous avez vu? Il y avait quatre anges qui sont aux quatre coins du monde. Et Dieu a commandé qu'ils détruisent toute la terre, toute la mer et toutes choses. Il y avait un autre ange qui se tenait quelque part. Et on a commandé à ça, il a dit, non! À moins qu'on finisse de marquer, on finisse de protéger, on finisse de garder, on finisse de délivrer tous les serviteurs de Dieu qui ne détruisent pas la terre. Alléluia! Ça, c'est une vision de ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des démons qui sont assignés, qui sont là pour détruire. Qui sont là pour détruire, pour tuer. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il y a aussi Dieu qui est là, qui a des anges qui sont là pour protéger ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes là, vous ne comprenez pas. C'est comme vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas? Hein? Après, ok, je relis. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffla point du vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et l'ange dit aux autres anges, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Waouh! Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tu es serviteur? Il y a des démons qui ont été envoyés pour détruire la terre. Et si tu es serviteur, tu es marqué par un sceau. Et tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reçois ça par Amen. Amen. Tu es marqué par le sceau de Dieu vivant. Amen. Et la destruction ne va pas t'atteindre. Amen. Et ça, c'est au serviteur. Au serviteur. Au serviteur. Alléluia. Donc, si tu es serviteur, on va te marquer. On va te marquer. La destruction va venir. Mais tu seras là, tu ne seras pas détruit. Tu vas regarder du côté 10 000. De l'autre côté, 1 000, 10 000. Les gens sont en train de tomber. Les gens sont en train de d'échouer. Mais toi, tu vas voir que le Seigneur tient ta main. Et tu avances. Tu avances, tu réussis seulement. Alors que les autres, alléluia, tu ne reçois pas. Amen. Bien, tu ne crois pas la parole de Dieu. Ah, je suis étonné. I'm surprised. Je suis étonné. Wow. Alléluia. À moins que tu ne sais pas, tu n'es pas serviteur, donc tu vas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur va te délivrer. Tu ne peux pas servir le Seigneur et le Seigneur va te laisser être détruit. Et la semaine passée, je dis que si le Seigneur laisse, cela veut dire que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfois, le Seigneur nous laisse certaines expériences. Et tu vas voir qu'à la fin, tu vas voir que, waouh, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a laissé ça. C'est plutôt me bénir. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur voit que non, ça là, ça va te détruire. Le Seigneur te protège. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te détruit. Te délivre. Alléluia. Du mal. Du mal. Il y a une histoire d'une femme qui était dans sa boutique. Le matin, elle allait dans la boutique et puis elle devait envoyer un document à l'étranger. Je pense à Dubaï ou bien Chine ou bien quelque chose comme ça. Elle était commerçante. Donc, elle devait envoyer les documents, mais elle va pas envoyer. Elle voulait plus envoyer les documents. Donc, elle allait dans sa boîte, sa boutique, et puis, elle sentait, c'est comme le Saint-Esprit lui disait, non, va envoyer le document. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et puis, elle dit, ok, elle a fermé la boutique, et puis elle est partie. Lorsqu'elle est revenue, il y a une grande voiture qui allait tout droit entrer dans sa boutique et détruit tout ce qui était dans la boutique. Délivrance. Elle a été marquée par le Seigneur. Et cette femme était serviteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu sais, le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur sauve et le Seigneur protège ses serviteurs. Donc cette année, on va servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Lorsque tu sais le Seigneur te donne des secrets. Révèle. Le Seigneur te révèle des secrets. Ça, c'est la dernière raison. Amos. Est-ce qu'il y a un livre qu'on appelle Amos? Vous connaissez Amos ou bien Amos? Amos. Amos. Alléluia. Amos ou bien Amos, comme les anglophones disent. Chapitre 3, verset 7. Amos. Chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Le Seigneur va te révéler les secrets. Les secrets pour réussir, les secrets pour avancer dans cette vie, les secrets. Alléluia. Tu vas voir que les autres font la même chose de réussite, mais toi, tu réussis. Et les gens vont commencer à te dire, mais ça, c'est quel secret? Ça, tu as quel secret? Où est le secret? Alléluia. Les gens écrivent cette matière réussissent, échouent, mais toi, tu écris et puis tu réussis. Hey! Personne n'a 100%, mais toi, tu as 100%. secret. Par exemple, si on est dans la salle, on est dans une salle, par exemple, nous sommes trois. Et puis, peut-être tu es la troisième personne. OK, un, deux, trois. Et puis, on est en train de parler. Et puis, à un moment donné, je veux parler à mon Padima. Alléluia. Je vais parler et puis je dis à Daniel, est-ce que tu peux nous excuser un peu? Comment est-ce que tu vas te sentir? Mal! Alléluia! Mal! Tu vas te sentir très mal! Parce que, on est ensemble. Peut-être que tu n'es pas close. Tu n'es pas proche. Tu es loin. Et puis, le jour-là, tu étais avec nous. Mais nous sommes proches. On est ensemble. On travaille ensemble. Et nous voulons discuter quelque chose. Mais tu n'es pas proche. Donc, on peut pas discuter avec toi. Et puis, on te dit, S'il te plaît, excuse-nous un peu. Alléluia. Est-ce que tu vas pas te sentir mal? À dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Yeah. Lorsque tu es proche du Seigneur et tu es serviteur, le Seigneur te parle. Lorsque tu n'es pas proche, tu ne vas pas avoir ces secrets. Il y a certaines choses qu'on ne va pas te partager, on ne va pas te dire. Le Seigneur ne va pas te dire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc c'est mauvais de ne pas être serviteur du Seigneur. Il y a certaines choses que tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas savoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, donc c'est mauvais. Tu vas te sentir très mal. Très mal. Très mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es serviteur du Seigneur. Le Seigneur va te révéler des secrets au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Non, après. Okay. Alléluia. Et donc, cette année, on a beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons servir le Seigneur. C'est bon de servir le Seigneur. Tu seras différent. Tu seras protégé. Le Seigneur va te révéler des secrets. Le Seigneur va te délivrer du mal. Au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, je vais commencer au sujet. Alléluia. Qui est sur l'humilité? C'est toujours servir. Parce que la Bible dit, à moins qu'on devienne comme des enfants. À moins qu'on devienne comme des serviteurs. Hein? On ne verra pas. On est humble comme des serviteurs, comme des enfants. On ne sera pas. On ne verra pas certaines bénédictions. Donc c'est dans le même sens de serviteur. Comment être humble comme un serviteur? Alléluia. Comment être humble comme un serviteur? Alléluia. Amen. Parce que on dit qu'on va servir le Seigneur cette année. Si tu n'es pas humble, tu ne vas pas servir le Seigneur. Donc tu dois savoir comment. Comment? C'est dans le livre. Si tu as le livre, tu peux même ouvrir le livre. Si tu as le livre, tu peux ouvrir. Alléluia. Qui veut acheter? On peut te donner une copie à la fin du culte. Pas maintenant, à la fin du culte. Alléluia. Amen. Comment être humble? Comme un serviteur. Si tu veux servir le Seigneur, l'orgueil va t'empêcher de servir le Seigneur. Yeah, l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas servir le Seigneur. Donc ce matin, on va voir un peu comment être humble. Et cela va nous aider beaucoup à servir le Seigneur. Rien va nous empêcher. Alléluia. Dans Luc 22, verset 6. Alléluia. Luc 22. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne, comme celui qui sert. Waouh. Yeah. Celui qui sert. Tu es grand, tu penses que tu es grand, il faut servir. Ça montre l'humilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Alléluia. OK? On va voir qu'est-ce qu'il montre. Alléluia. Il a dit quelque chose que je veux lire un peu. Alléluia. Chapitre, verset, le paragraphe 2. Il est facile de dire à quelqu'un à quelqu'un d'autre, sois humble. On dit ça souvent bien. Yeah, on dit ça souvent. Sois humble, sois humble, sois humble. Tu n'es pas humble, sois humble, sois humble. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour être humble? Doit-il cesser de sourire? Parce que, oh, ok, pasteur, on est en train de sourire pour monter l'humilité. Est-ce que c'est ça? Doit-il porter de vieux vêtements? Parce que parfois, on voit quelqu'un qui est bien habillé parce que la personne est orgueilleuse. Alléluia. Doit-il faire des courbettes quand il part? Courbettes, c'est quoi? Ok. Fais comme ça, Daniel. Ok. Bonjour, Daniel. Est-ce que ça, c'est l'humilité? Doit-il vivre dans une vieille maison? Parce que parfois, on dit que les pauvres sont humbles. C'est pas vrai. Doit-il parler avec une voix douce? doit-il aborder une large sourire chaque fois qu'on lui parle? Hein? Doit-il dire, s'il vous plaît, avant et après chaque phrase? Oh, s'il te plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Je vais bien, s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'humilité? Peut-être, mais ça, c'est dans le cœur. Hein? Alléluia. OK, on va voir. On te parle. Oh, j'appelle Daniel. Pasteur, merci, s'il te plaît. Tu réponds, tu dis s'il te plaît. Oui, pasteur, s'il te plaît. J'ai fini tout. On a fini de manger. Et on te dit, viens ramasser les miettes. Yeah. Tout le monde est là. On te demande, ramasse les miettes, s'il te plaît. Yeah. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Tu vas dire non. Yeah. Moi. Est-ce que tu me connais? Hein? Est-ce que tu me connais? D'où je viens? Tu connais le nom de ma famille? Tu connais mon pays? Tu connais qui je suis? Yeah. Signe d'orgueil. Mais si tu veux être serviteur, tu dois pouvoir t'abaisser et commencer à ramasser. Yeah. Yeah. Yeah. Commencer à ramasser. Ça montre que tu es humble. Tu n'es pas gêné, tu n'es pas forcé. Tu fais ça de ta volonté. Parce que le gars là, il est humble. Avec tout son cravate, ta cravate et toutes les vestes et tout ce qu'il porte là, il est en train de ramasser les miettes. Yeah. Ça, c'est servir, serviteur. Alléluia, ça, c'est l'humilité. Fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Yeah. Est-ce que tu peux verser de l'eau sur les mains? Élie veut laver ses mains, tu verses de l'eau. Il veut laver ses pieds, tu verses de l'eau. Est-ce que tu peux faire ça? Lorsque vous êtes prêt à accomplir des tâches subalternes, effectuer des tâches subalternes, c'est être assistant, serveur, nettoyeur, vigile, ouvrier, secrétaire, gestionnaire des données, coursier ou homme à tout faire. Yeah. Tu peux faire tout, quelle que soit la grandeur de cette tâche. Yeah. Yeah. Jouer aux instruments, les gens ne veulent pas jouer aux instruments. Jouer piano, les gens ne veulent pas. Venir balayer, arranger les chaises, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Parfois, mais lorsqu'on se rencontre là-bas, à côté là-bas, les gens finissent de boire leur pure water, biscuits, tout ça là, et puis laissent les trucs par terre. Et les gens ne veulent pas ramasser. Yeah. Les gens ne veulent pas ramasser. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À la maison, lorsque tu manges, tu ne laves pas les assiettes. Tu ne laves pas les assiettes. Esprit d'orgueil. La maison, là, ta maman ne peut pas te demander de laver les assiettes. Une fille, oh, fille comme toi. Dis, maman, moi je suis belle. Maman, regarde mes cheveux. Regarde mes ongles. J'ai fait, comment on les appelle? Manicure avec les ongles de quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas salir. Les hommes, lorsque vous mariez, il faut regarder les ongles. Si c'est propre, il y a point d'interrogation. Point d'interrogation. Toute bonne femme qui travaille à la maison n'a pas de belles ongles. Elle fait ça aujourd'hui, demain c'est sale. Comment ça? Parce qu'elle lave, elle fait ça, elle fait tout à la maison, commence à préparer, Mais toi, tu veux neat. En anglais, on appelle ça neat. C'est propre. Propre. Chaque jour, c'est propre. Hey! Tu auras faim. Oh. Les hommes, vous aurez faim à la maison. Parce qu'on ne va pas préparer. À cause des ongles. On ne fait pas petite tâche. On va seulement à papa et pour aller acheter papa et. Hey! Ça, c'est la paresse. Paresse totale. Paresse totale. Et orgueil total. Yeah, orgueil. Yeah. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais ta tâche subalterne. Laver, mop. Mop, en français, on dit quoi? Mop. Essuyer le sol. Essuyer. Hey, essuyer. Alléluia. Yeah, essuyer le sol. Qui tu es? Qui tu es? Qui suis-je? Ah! La Bible dit que je suis comme vapeur. La vapeur apparaît pour combien de jours? Quelques secondes et puis ça disparaît. Donc pourquoi tu te dis que tu es grand mais tu ne peux pas faire ces tâches? Alléluia! Ici, tout le monde va faire tout. Alléluia! Yeah, tout le monde va faire tout. On va commencer à nettoyer ici, là. Les gens qui ne viennent pas là sont orgueilleux. On va nettoyer le carniveau là-bas. On va nettoyer la toilette, les toilettes. Alléluia. Si tu ne veux pas les toilettes, tu es orgueil. Orgueil. Orgueil. Alléluia. Si les docteurs sont en train de nettoyer, toi, tu es qui? Docteur. Ingénieur. Sont en train de d'être gardien. Gardien. Gardien. Qui sont là gardiens de 8h jusqu'au matin? Ils sont gardiens, docteurs. Oh. Docteurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi parfois je dis que cette église-là, on ne regarde pas l'argent. Ta position, tu es qui? L'évêque lui-même, il est en train de ramasser les trucs là. Et toi, tu es qui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu n'arrives pas à faire des tâches, des petites tâches, tu es orgueilleux. On te dit, tu es fâché, tu es orgueilleux. Yeah, à partir d'aujourd'hui, si on te corrige et tu es fâché, tu es orgueilleux. On te demande, fais ça, tu ne peux pas faire, tu refuses, tu es orgueilleux. Yeah. C'est l'orgueil, tu ne sais pas, c'est l'orgueil. Ce sont des signes d'orgueil. Est-ce que c'est bon? Je continue bien, j'arrête. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a montré. Il a enseigné aux disciples. Et nous aussi, nous lisons et pour apprendre. Yeah. Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il y a certaines bénédictions, on ne va pas recevoir. Le Dieu lui-même va nous résister parce que nous sommes orgueilleux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Lorsqu'on est humble, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous vous contentez des conditions de base et simples dans votre vie. Yeah, conditions de base. Les gens ne veulent pas entrer dans cette salle comme l'église vient une fois dire, oh, mais ces gars-là, regarde la salle. Ils veulent un grand bâtiment. Yeah. Ils veulent quelque chose de très merveilleux. Avec clim, avant de venir. Yeah. Et les chaises, regarde les chaises. Je veux des chaises avec quoi là? Yeah. Tu ne peux pas vivre dans ta chambre, mets seulement le matelas sur le sol. Tu as une petite table, là tu apprends pour aller à l'école. Tu veux tout, tu veux des fauteuils, des lits achetés à truc là. Tu veux climatiseur, tu veux... Alors que les parents, c'est pas facile. Yeah. Faut être humble. Tu es étudiant. La fois passée, je disais étudiant. Tu as besoin seulement de survivre. Seulement de survivre. Tu ne dois pas avoir deux téléphones. Pour faire quoi? Est-ce que tu es homme d'affaires ou bien femme d'affaires? Yeah. Tu n'as pas besoin de deux téléphones. Ce téléphone, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'une grande maison. Grande maison pour faire quoi? Tu as des enfants. Matelas sur le sol. C'est fini. Tu n'as pas besoin de lit. En fait, tu n'as pas... Si tu as... Je ne dis pas, il ne faut pas acheter si tu peux, en fait, mais... Des conditions simples. Simples. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, c'est l'une des choses qui m'a aidé de rester dans cette église. Lorsque je suis venu, il n'y a pas question de que tu es grand, tout le monde, même chose. On ne voit pas les riches là. C'est pas considéré. C'est important, mais c'est pas considéré. Yeah. Moi, ça, on accepte ta ton statut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Condition de base, thème. Pour t'aider à vivre, c'est fini. Ça n'a pas besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Je termine avec ça. Quand tu es humble avec un serviteur, comme un serviteur, vous acceptez d'être formé. Yeah, formé. Ça, c'est la première même des choses. Lorsque il y a une fille là qui est à la maison qui nous aide avec les enfants. La première chose qu'on a demandé, on a fait avec la fille, c'est de lui montrer, de lui enseigner ce que nous voulons qu'elle fasse dans la maison. Yeah. Yeah. C'est comme le boulot. Lorsque tu viens, la première chose, c'est de montrer comment, c'est de former comment on veut que les choses se fassent ici. Bien, se font ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la première chose. Si tu ne veux pas être formé, c'est fini, tu ne veux pas travailler. Tu ne peux pas être serviteur. Alléluia. Donc, la première des choses que Dieu, lorsqu'on vient, Dieu fait avec nous, c'est sa parole. C'est pour nous enseigner. Tout ce que tu connais avant ça, c'est rien. Il veut t'enseigner sa parole. Yeah, t'enseigner. Et à l'église ici, on va te faire apprendre des choses. École de nouveaux croyants. Sept grands principes. Coup de berger. Le livre. Même lorsqu'on prêche, on a dit que lorsqu'on prêche, on a fait ça l'année passée. On lit le livre ensemble. Enseigner, être formé. Alléluia. Tu as besoin du livre. Tu as besoin d'un livre. Alléluia. Tu as besoin d'un livre. Tu dois lire. Tu dois apprendre. Alléluia. Tu ne dois pas te lever le matin. Tu ne vas pas lire la Bible. Tu dois être formé. Le Seigneur veut te former. Le Seigneur veut te former, te transformer. C'est ça qui va te transformer. C'est pas ce que tu connais. Est-ce que tu vois pas tout ce que tu connais ne te transforme pas? Tu es toujours la même personne. C'est la parole qui transforme. Alléluia. Je vais continuer la semaine prochaine. Levez-vous. Je vais continuer la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Levez les mains. Alléluia. Lève la main. Ferme les yeux. Tu veux prier une simple prière. Seigneur, mon cœur. Sonde mon cœur ce matin. Cet esprit d'orgueil qui ne me laisse pas à être serviteur, à servir, à faire des tâches sur ma terre, des petites tâches. Seigneur, enlève cet esprit d'orgueil de mon cœur ce matin. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et puis prier, prier, prier. Demande le Seigneur, il est prêt. C'est pourquoi il a mis ça dans la parole. Il nous montre l'état et il nous aide à s'en sortir de cet état. Il est prêt ce matin à t'aider, à être serviteur, à être humble ce matin. Seigneur, l'humilité. Remplace ce cœur, bien cet esprit d'orgueil avec un esprit d'humilité ce matin. Est-ce que tu peux prier? Pour une minute, deux minutes, trois minutes, tu veux dire Seigneur, j'ai besoin de cet esprit d'humilité. Remplace. Fais un remplacement. Fais une opération ce matin sur mon cœur. Fais une opération spirituelle. Et fais un changement. Enlève. Remplacement. Remplace ce cœur d'humilité, d'orgueil avec un cœur d'humilité ce matin. Au nom de Jésus. Au nom, Seigneur. Nous ne voulons pas être résistés par toi. Seigneur, ne nous résiste pas. Ne nous abaisse pas. ne nous abaisse pas. Seigneur, donne-nous cet esprit d'humilité au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Je vois le Seigneur te changer. Je vois le Seigneur changer ton cœur au nom de Jésus. Tu deviens humble. Tu deviens serviteur qui est prêt pour faire tout, toute tâche au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Baissez les mains. Mais fermez les yeux. Fermez les yeux. Tu es là. Tu ne connais pas le Seigneur. Connais pas le Seigneur. Depuis là, tu venais depuis. Mais tu n'as pas pris une décision de donner ta vie à Dieu. Ou bien ce matin, c'est ta première fois. T'es invité et tu viens. Mais tu sens dans ton cœur que tu es loin. Tu es loin du Seigneur. Et tu veux te rapprocher à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin du salut. Sauve-moi. Délivre-moi ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Le Seigneur va te sauver. Lève la main. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci. J'aime la manière vous avez levé la main. Merci. Lève la main très haut. Lève la main très haut. Ne fais pas attention à la personne qui est à côté de toi. Lève la main. C'est en toi et le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, merci. Je vois les mains. Je vois les mains. Est-ce que vous pouvez venir devant? Venez, on va prier. Venez. Venez. Viens mon frère. Viens mon frère. Viens. Ma soeur, viens. Alléluia. Fermez les yeux. Et répétez après moi. Dis, Seigneur, je te remercie ce matin. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux être ton serviteur. Et Seigneur, ce matin, je reconnais que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Ce matin, je le déclare, je le confesse et je l'invite dans ma vie. Qu'il soit mon sauveur. Seigneur, merci. Et pardonne tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, je prie pour ces personnes. Seigneur, bénis ces personnes. Bénis. Bénis. Bénis mon frère. Bénis sa vie. Qu'il soit ton fils. Qu'il soit différent à partir d'aujourd'hui. Différent des autres. Différent de ses frères. Différent de ses sœurs. Différent de ses amis. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour lui. Qu'il soit béni. Qu'il soit le premier, ne sera pas le dernier. Au nom de Jésus. Qu'il soit protégé et délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour lui. Seigneur, il est spécial. Tu l'as sauvé ce matin. Il est spécial à tes yeux. Seigneur, que tes yeux ne le quittent pas. Que tes yeux soient sur lui là où il va. Chaque fois, chaque moment, même s'il dort, que ses yeux soient sur lui. Au nom de Jésus. Que ses mains soient un. Au nom de Jésus. Et tout ce qu'il fait, il fait. Soit béni. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma sœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Elle est spéciale. Elle est spéciale à tes yeux. Elle est précieuse à tes yeux. Au nom de Jésus. Ta justice est sur sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus la protège. Que le sang de Jésus soit sur elle. Oh Seigneur, qu'elle soit marquée par le sceau. Oh les bros et les babas, que les chambos. Et les bros et les bébés, que les chambras et les babas. Ante les bros et les bébés, que les chambos. Seigneur, merci. Elle est bénie ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Venez vous asseoir, s'il vous plaît.